Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour l'émission de Radio Brouillon de Sculpture en direct du festival en ce jeudi de l'Ascension. Nous vous proposons une rencontre aujourd'hui avec des acteurs culturels axés autour de 4 séquences de 15 minutes animées par des animateurs de 3 radios du collectif des radios locales des Vosges, à savoir Radio Guimauzeau avec Lou, Radio des Ballons avec Raymond et puis Eric, donc votre serviteur pour la radio locale Résonance FM. Entre chaque séquence, un intermède musical ou humoristique avec Camille notamment. L'émission sera enregistrée, elle sera diffusée par les radios du collectif Radio des Vosges en cette fin de semaine, à savoir Radio des Ballons, Radio Résonance FM, Cocktail FM, Cristal à Épinal et puis Bellevue du côté de Provencher-sur-Fave. Alors en première partie, nous accueillerons Alexandrine, la présidente du festival, et également Didier Pozzac qui évoquera le dispositif Créa Jeune et Henri-Patrick Stein, sculpteur habitué du festival. Dans la deuxième partie, nous donnerons la parole aux élus pour comprendre quelle est la place de l'art dans l'espace public. Le troisième plateau sera constitué par les représentants de l'éducation nationale afin de mieux cerner la profession d'artiste. Enfin, la dernière séquence laissera la part belle aux artistes qui expliqueront leur approche de l'art contemporain. Alors, honneur à la présidente du festival, Alexandrine Ducret. Je vous propose, Alexandrine, de répondre à des questions d'un petit portrait chinois pour mieux vous connaître. Alors tout d'abord, Alexandrine, ben, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Si vous étiez un animal? Le cheval. Si vous étiez un moment de la journée? Au midi, on mange bien, c'est convivial. Si vous étiez un pays? L'Espagne, qui m'a vu naître. Si vous étiez une ville? Carcassonne, puisque j'y ai vécu aussi. Si vous étiez une pièce de la maison? Oh, j'hésite, entre la chambre et la salle de bain. Oh, allons-y pour la chambre, c'est pour pas la le cuisine, repos. Pour le repas, alors. Non, je suis pas très cuisinée. Si vous étiez un objet du quotidien? Un objet du quotidien? Une bêche. Si vous étiez une chanson? Les copains d'abord. Si vous étiez un art? La sculpture, bien sûr. Forcément. Si vous étiez un événement historique? Oh, je suis pour la paix, donc on a célébré il n'y a pas longtemps le 8 mai, donc je pense que je dirais le 8 mai. La paix qui est mise à mal en ce moment, il y a des craintes. En effet, oui. Si vous étiez un plat? Un plat, la paella. Si vous étiez une boisson? Le mojito. Et une odeur? Une odeur, ben, l'odeur des fleurs, l'odeur de la rose. Enfin, si vous étiez un plaisir de la vie? J'éviterai d'en dire un, mais bon, manger. Alors, ben, c'est un plaisir, j'imagine, pour vous d'être, pour la cinquième année consécutive, la présidente du Festival de Sculpture. Alors, le 27e festival cette année, on a vécu encore un jeudi animé aujourd'hui avec une nouveauté, c'était la vente aux enchères qui vient de se terminer. Oui, oui, bien sûr. Bon, j'ai quelques petits... un peu de chagrin quand on voit les œuvres vendues, mais bon, elles vont vivre ailleurs. Peut-être une meilleure vie, je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que c'est un grand événement et qui me fait un peu de peine. Est-ce qu'il y a des artistes qui étaient présents et qui ont vu une de leurs œuvres partir à un acheteur? Là, je ne pense pas qu'il y ait des sculpteurs présents au festival cette année. Alors, il y a d'autres nouveautés au festival, notamment la sculpture sur paille à l'entrée du site. Donc, la sculpture sur paille par les frères Renaud, Michel et Dominique. Il y a également Alain Ménien qui a fait un totem avec toutes les pièces rapportées. Tous les enfants qui sont passés au festival, donc plus de 600 enfants, plus les adultes, etc., ont donné une pièce métallique à Alain Ménien pour créer son totem, qui sera exposé ici prochainement. Il y a également, oui, les œuvres mixtes, donc bois, béton et bois, métal, de très belles œuvres. Et puis, quoi dire d'autre? Demain, je regarde parce que je ne me rappelle plus du tout. Toujours l'espace des écoliers avec Créa Jeune. Les rencontres apéritifs avec Dominique Grand-Sanger qui seront à la Maison de la Bresse. Et à 20h30, ne pas oublier qu'il y a un film au cinéma qui rappelle avec Jean Rochefort et Claudia Cardinal. Samedi, c'est la grande journée. Puisqu'il y a un stage de découverte avec Dominique Grand-Sanger. Il y a également un atelier artistique ouvert au public comme aujourd'hui, donc avec différents intervenants. Il y a une performance, non, celle-ci a été annulée. Et puis on aura les présentations officielles des œuvres faites par les sculpteurs eux-mêmes. Et dimanche, on clôture le festival avec la dévoilation de Richard Brouard. Donc dévoilation, vous avez pu le voir si vous avez assisté au 27e festival, donc sur la place Chantel, où Richard Brouard avait fait une dévoilation. C'est un mot inventé par lui, c'est pas la peine de chercher sur le dictionnaire, il a déposé le nom. Et puis on aura la 17h30, proclamation des prix, donc prix du public, prix des jeunes, prix du jury et le tirage au sort pour savoir qui a gagné la sculpture qui sera prix du public. Alors Alexandrie, il y a toujours beaucoup de monde qui passe par le festival, notamment aujourd'hui, hein, le jeudi de l'Ascension avec le retour du soleil. Il y a beaucoup d'enfants aussi, alors on va donner la parole à Didier Pozza, puisque Didier, je vous ai rencontré en début de semaine, vous étiez avec des écoliers de la Bresse. Vous êtes déjà venu au festival pour animer ces ateliers ? Ça fait à peu près depuis le début que je viens participer à la manifestation Créa Jeune, donc qui joue le festival de sculpture à la Bresse. Et c'est toujours avec un réel plaisir que je m'adapte ou je crée avec les enfants. Pourquoi créer avec les enfants ? Parce que de toute façon, comme disait Dostoïevski, l'homme n'a jamais été aussi grand que lorsqu'il s'est penché sur un enfant. Pourquoi ? Parce qu'un enfant, il est dans l'éducation, on doit l'éduquer, que ce soit au niveau des mots, on ne l'éduque pas assez souvent au niveau des images. Donc le sculpteur, ou l'artiste, ou le plasticien, ce qu'il essaye, c'est de l'éduquer par rapport à l'image, de l'éduquer par rapport à la sculpture, de l'éduquer par rapport à la peinture, même si les mots restent des capsules d'émotion, l'image, elle aussi, doit être une capsule d'émotion. Et donc, ce qui est intéressant avec les jeunes et les moins jeunes, c'est de leur soumettre d'autres points de vue, et là ça tombe bien cette année puisque c'est sur le thème du regard, et le regard c'est un point de vue déjà avant d'être une émotion. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont déjà des prédispositions ? On dit souvent que les sculpteurs, notamment sur bois ou enfin sur pierre, ont la vision 3D. Est-ce qu'il y a des enfants que vous avez pu détecter, qui vous avez déjà la vision, cette vision 3D, l'œil de l'artiste, quoi ? C'est étonnant par rapport à toutes les productions qu'on fait chaque année, que des enfants arrivent à percevoir soit la 3D, soit arrivent à percevoir le volume en lui-même. Parce que ce qu'on leur apprend, c'est l'horizontalité, la verticalité, et la sculpture, en fait, c'est une invitation à tourner autour d'eux. Et les enfants, cette année, sous le thème du regard, par rapport à ce qu'on leur construisait à chaque fois, avaient leur regard qui tournait autour de ce qu'ils faisaient. Et des enfants, dès le début, adaptait cette proposition, parce qu'en fait, on ne fait que des propositions de sensibilisation. Alors vous êtes un artiste multiforme, hein, photo, vidéo, dessin. Avec les enfants, en début de semaine, vous faisiez d'abord dessiner. C'est de l'assemblage. Mais pour dire que, par exemple, Degas, au 18e siècle, lorsqu'il a mis la petite jupette sur sa danseuse, il faisait déjà de l'assemblage. La sculpture, il y a la sculpture par la taille, comme il y a ici, sur la taille du bois, qui est magnifique en soi, et il y a aussi d'autres formes d'assemblage, parce qu'en fait, la sculpture, c'est gérer l'espace. Il y a des sculptures par immersion, il y a des tas de formes de sculptures, et ce qui est bien par rapport aux enfants, c'est qu'ils arrivent instantanément à s'adapter. Et ça, c'est formidable. Alors pourquoi est-ce qu'il faut emmener les enfants voir de l'art ? Pourquoi est-ce qu'il faut les faire venir au festival dès le plus jeune âge ? Disons que c'est une nécessité. Pour moi, c'est une nécessité. Parce qu'il y a la sensibilisation, mais il y a la sensibilisation aussi par rapport à l'art, par rapport, on rejoint les mathématiques, on rejoint l'écriture, on rejoint la lecture, on rejoint il y a des tas de chemins de traverse qui donc sensibilisent l'enfant à la création, à la créativité et au raisonnement. Et il y a des techniques alors pour le sensibiliser, l'enfant ben, les techniques en soi, c'est déjà regarder. Regarder, ce n'est pas avoir. Regarder par le regard, c'est voir d'une manière intensément, c'est voir autrement, c'est voir l'autre différemment, et voir la matière en la palpant, en la touchant, en la caressant. Et là, l'année ici, petite parenthèse, ce que j'ai voulu, c'est travailler justement avec les restes des sculpteurs. Parce que comme disait François Dagonier, les restes ne sont pas en reste. Et les restes ne sont pas rien. Parce que rien déjà, ça vient de res, rem en latin, qui veut dire chose. Donc les restes, c'est déjà quelque chose. Travailler avec des petits riens que les enfants peuvent adapter chez eux, on le retrouve ici au festival grâce à l'invitation que me fait la mairie et puis la présidente du festival, que je remercie d'emblée. Et puisqu'ils auront créé avec vous, ils peuvent le garder, le ramener chez eux, et puis pourquoi pas... Il n'y a même pas besoin de leur demander s'ils veulent le ramener, ils se le sont appropriés. Oui. À chaque création, systématiquement, ils repartent avec. Alors on va maintenant donner la parole à Henri et Patrick Stein. Hein. Henri Patrick est un habitué du festival, puisque ça fait déjà 7 fois que vous venez à la Bresse, et vous avez quasiment été là depuis le début, hein. Première participation en 1993, Henri. C'est cela, oui. Alors, vos souvenirs de ce premier festival en 93 et son évolution alors, jusqu'en 2018? Alors, il y a eu différentes matières travaillées depuis cette époque-là. Donc, 93-94, j'avais fait le bois. Et après, je crois que c'est en 97, c'était la première fois que tu proposais la pierre. À cette époque-là, c'était la pierre de Tavel. Et on avait travaillé la pierre. J'ai eu l'occasion de travailler une excellente roche qui est du porphyre de Ternué. Très très rare, très très dur, plus dur que le granit. Et voilà, ça c'était en 2008, je crois. Et voilà, mais toujours heureux de venir ici au festival. Parlez-nous de votre formation alors en sculpture. Alors j'ai une formation un peu spécifique. Voilà, donc depuis l'âge de 7 ans, j'ai découvert la sculpture sur bois ornementiste dans mon village. Voilà, j'adorais le dessin et il y avait un sculpteur qui était là. Donc voilà ce qui m'a donné goût à être sculpteur, à devenir sculpteur. Après, je suis rentré des diplômes au LPR de Neufchâteau. Voilà, dans les Hauts-Rouges. Et 4 ans de formation pour un CAP, après avoir une maîtrise. Et après, je suis parti en Tour de France pour découvrir d'autres matières, telles la pierre et ainsi de suite. Alors, ça se passe comment, un Tour de France, brièvement? Alors, c'était pas le cursus des compagnons. Je travaillais chez Maître Compagnon, je proposais mes services. Et voilà, je travaillais, vous aimez bien Carcassonne, la directrice. Voilà, donc, j'ai travaillé un an et demi sur la cité de Carcassonne, par exemple. J'ai découvert le grès là-bas, qui est beaucoup plus dur que celui des Vosges. Alors cette année, vous travaillez en binôme, hein, avec une Bressaude, Aude Vaxelaire. Alors parlez-nous de votre projet, puis du travail. Comment on fait pour travailler sur une œuvre à deux, alors? Alors, Aude, il y a 2 ans, j'étais venu donc faire du bois ici. J'avais fait une sculpture que je voulais un petit peu en élévation. Il me fallait un socle métal, parce que je la sentais comme ça. Et voilà, et je ne connaissais pas du tout. Et les hébergeurs, Jean-Pierre et Isabelle Leduc, qui m'hébergent, donc ils m'ont fait connaître Aude, qui a réalisé ce socle. Et voilà, et je lui ai dit, pourquoi elle a vraiment du talent, cette artiste, qui est donc de la Bresse. Et là, je lui ai dit, ce serait bien de faire une sculpture commune, parce qu'elle n'osait pas trop toute seule. Et voilà, donc elle a mis le pied à l'étrier. Donc voilà, on a découvert sur le thème nous plaisait. Et voilà, donc on a réalisé une pièce donc en 3 matières, hein, les matières essentielles, donc granit pour le socle, le bois composé tilleul et le métal, donc travail. Alors du coup, vous pensez que l'année prochaine, Aude reviendra en solo alors? Ben, j'espère, ouais, c'est important parce que voilà, c'est jamais évident de travailler devant le public, hein, voilà, parce que c'est plus facile de travailler en atelier, mais les symposiums c'est intéressant puisque on y découvre déjà des cultures différentes, hein, d'académies différentes, et c'est un bouillon de culture très enrichissant puisque en regardant les autres travailler et faire différemment des fois des nôtres, ça nous permet d'évoluer dans notre travail. Oui, le festival c'est des rencontres avec les artistes et des rencontres également avec le public, et il y en a qui sont venus vous voir. Qu'est-ce qu'ils vous posent comme question alors? Beaucoup de questions reviennent régulièrement, par exemple pour le style de bois que ça peut être. Mais voilà, mais c'est toujours enrichissant parce que parmi le public, on peut aussi donner vocation à des jeunes, des moins jeunes, à faire de la sculpture. Et parce que la sculpture, ce qui est enrichissant à la sculpture, c'est que c'est un partage des sens. Voilà. De la faire à deux, ça va plus vite, moins vite, c'est plus difficile. C'est plus compliqué puisque on partage 2 égaux bien distincts, et voilà, et on sait jamais trop comment ça peut fonctionner. Et là, c'est vraiment une belle aventure parce qu'on a fait une belle réalisation et tout c'est bien goupillé. Comment ça se fait bien? Un des artistes que j'ai interviewé me disait que c'était pas important d'avoir le prix ou de ne pas l'avoir. L'essentiel, c'était d'être présent ici. Alors, tout à fait. Donc, j'ai fait à peu près 50aine de symposiums de par le monde depuis que je fais de la sculpture. Et il y en a qui débouchaient sur des concours, d'autres non. Mais à chaque fois que c'était ça débouchait sur un concours, surtout c'était un travail d'équipe, par exemple pour la neige ou la glace. Ce que j'utilisais toujours à l'équipe, on gagne, c'est bien, on perd, c'est bien. On ne vient pas dans cet objectif-là, on vient surtout pour réaliser l'œuvre initiale. Et s'il arrive quelque chose, c'est bien. Voilà, mais le travail, il doit être tip-top et bien réussi à la fin. Bien, merci à vous, Henri, Patrick, merci Didier, et puis merci Alexandrine. On va maintenant passer au deuxième plateau animé par Raymond. Alors j'appelle Raymond qui va animer le deuxième plateau avec les élus et notamment monsieur le maire de la Bresse. Puis d'autres élus qui vont venir parler de la place de l'art dans l'espace public. Bonjour à tous, et bien nous voici pour cette deuxième partie de notre émission consacrée au festival de sculpture avec les radios des Vosges, et aujourd'hui avec la participation donc de Radio Guémozo, de Radio des Ballons et de Résonance FM. Et une émission qui sera diffusée sur Radio Cristal 107.3 à Épinal et 92.7 à Gérardmer, sur Cocktail 88.9 en Déodacie, sur 91.4 également dans la région du Pays des Lacs, sur Résonance FM 88.1 et 104.1, sur Radio des Ballons Vallée de la Haute-Moselle sur 98.8 et 105.9, et sur le 108 à Remiremont, et sur Radio Bellevue 93.5 et 102 en Déodacie, et RCM 97.6 également en Déodacie. Eh bien, j'ai la chance et l'honneur d'avoir à côté de moi des élus, puisque cette deuxième mission est consacrée aux élus, avec d'abord le maire de la Bresse, qui est bien sûr c'est Laurent, non, Arnoux. Hubert, je l'ai appelé Laurent, je ne sais pas pourquoi. Et puis, merci Hubert d'être avec nous. Jérôme Mathieu, qui est conseiller départemental justement de ce secteur de la Bresse. Et Sylvie Deguerre, qui nous vient d'un peu plus loin, mais c'est normal, puisqu'elle est conseillère générale. Bonjour à tous les trois. Régionale. Régionale même, hein. C'est dingue. Oui. Et cette émission sera également diffusée sur touteslesvosges.fr, une chaîne de télévision que vous pourrez notamment retrouver sur Facebook. D'abord, Hubert Arnoux, à la Bresse. Qu'est-ce que ça représente pour une commune comme la Bresse que ce festival de sculpture ? Ça représente beaucoup de choses, puisque donc depuis maintenant une trentaine d'années, puisque c'est le 27e, mais il y a eu quelques coupures. Donc ça représente l'attractivité de la Bresse, le renom de la Bresse, et dans le domaine culturel, la Bresse était plus connue au niveau touristique et sportif, je dirais. Et là, grâce à ce festival Camille Claudel, la culture est présente à la Bresse. Vraiment pas. Non, vous voyez aujourd'hui, le monde qui est présent, et il est maintenant connu aussi bien au niveau régional, national et même international. Et qu'apporte la commune de la Bresse pour aider les organisateurs tous les ans? Disons que le comité du festival, d'organisateurs du festival, c'est toute une organisation un petit peu difficile quand même. Ouais. Une commission municipale qui est animée par Alexandrine Ducret, avec plusieurs élus et beaucoup de bénévoles. Et donc cette commission municipale avec les employés municipaux, dont le directeur de la communication, Xavier Battistella, et toute son équipe, mettent tous leurs moyens pour aussi bien matériel et puis financier pour organiser ce festival. Jérôme Mathieu, le département a aussi son service culture, hein, mais en quoi il intervient dans cette organisation et dans l'aide à ce festival ? Alors bonjour, donc pour l'aide de ce festival, le département intervient financièrement. Effectivement, le département alloue une subvention au festival. Alors après, pourquoi le département finance le festival de sculpture sur bois? Parce que le département des Vosges a une politique culturelle qui est importante, que ce soit envers des manifestations comme celle-ci, que ce soit vers les sites départementaux comme le musée départemental, comme le site de Grand, comme le site aussi de Jeanne d'Arc, de la maison de Jeanne d'Arc. Mais c'est surtout parce que la culture, c'est important. La culture, c'est important en termes de lien social et d'attractivité. Après, ça permet effectivement de faire rayonner les Vosges, de faire rayonner notre territoire, et c'est ça qui est important. Et nous, la volonté que l'on a au département des Vosges, tout le monde le sait, c'est que tout le monde voit la vie en Vosges. Et ces événements-là, culturels, alors certains vont dire que la culture, ça coûte toujours trop cher. Effectivement, la culture, c'est toujours trop cher. Si on attend d'avoir les moyens, on n'en fait pas. Mais c'est du lien social. Et puis, c'est aussi de montrer les traditions, parce que le Festival international de sculpture sur bois, c'est le travail du bois. Alors ici, sous cette magnifique halle, on sait que le bois, et Madame Dalguerre pourra certainement s'étendre sur ce sujet, on sait que le bois, c'est important pour notre région, c'est important pour la construction, mais c'est aussi de montrer qu'on peut faire de l'art et de la culture pour faire rayonner les territoires, pour faire vivre les Vosges et pour vraiment aussi faire du lien social, parce que c'est de faire se rencontrer les gens, c'est aussi de leur montrer que l'art et la culture doivent venir au cœur de nos territoires et pas simplement dans les agglos, elle doit être présente aussi sur tous les territoires. Donc le département des Vosges est aux côtés de tous ceux qui font de la culture, que ce soit les EPCI, les communautés de communes, que ce soit les grandes manifestations, comme ici le Festival international de sculpture, mais un peu plus loin, il y a le Festival Fantasticard, que ce soit aussi pour la production audiovisuelle, parce que le département est aussi un des partenaires de Zone Blanche. Voilà, surtout, et puis aux côtés des associations, et aussi aux côtés de la création culturelle. C'est important aussi d'accompagner les associations, les structures même privées, qui font de la création culturelle au cœur des territoires, sur l'ensemble de notre département. Et Jérôme s'y connaît, lui, qui n'a jamais quitté l'agriculture. Et je ne pouvais pas la louper. Et Sylvie Deguerre. Sylvie, on est très content de recevoir Sylvie aujourd'hui, parce que c'est le conseil régional, grande région maintenant. Alors évidemment, la culture, c'est un poste important dans la grande région. Alors, c'est surtout important parce que, en fait, cette grande région a pour ambition de soutenir justement toutes les collectivités, et en particulier aujourd'hui celle de la Bresse. Effectivement, la culture, comme l'a dit Jérôme, c'est une ambition pour le bien-être, pour le bien vivre ensemble, mais aussi pour l'aspect économique. Ici, sur la Bresse, nous avons effectivement toutes les manifestations sportives, et notamment l'hiver. Et voilà, il y a des hivers avec un peu moins de neige, et eh bien, il est bon aussi de pouvoir proposer d'autres services, d'autres thèmes. Voilà, cette région effectivement a aussi une ambition de développer la culture en milieu rural. Et c'est exactement un petit peu. Si vous voulez, nous arrivons en complément de ce que peut faire le département des Vosges. Hein. C'est vraiment, je crois, vraiment de travailler de côte à côte qui est une grande force pour notre territoire. Alors nous avons quand même des grands rendez-vous culturels dans notre secteur ici. Le Festival de sculpture de la Bresse, le Théâtre de Bussan, les mines du Tillon. Ça oui. Fait beaucoup de rendez-vous culturels quand même. Mais c'est exactement ce qu'il nous faut. Hein. C'est une diversité de thèmes à proposer à la fois aux touristes, mais j'aimerais aussi dire à la population, parce que ce qui est important, c'est que nous soyons fiers de ce qui se fait sur notre territoire, que nous en prenions conscience. C'est pour ça que là, je suis ravie de voir tous les jeunes hein, qui sont associés à ce projet, et aussi et surtout les écoles. Vous avez ici des élèves du lycée Camille Claudel qui sont présents, et là, en tant que région, là encore, la formation professionnelle est en cœur de nos missions, et je suis vraiment ravie de voir des élèves de cette école présents pour ce festival Camille Claudel. Évidemment, quand on s'appelle Camille Claudel, on ne peut pas ne pas venir au Festival de la Bresse. Alors, pour vous trois, je pense que vous êtes là aujourd'hui et que vous imaginez bien que dans les années qui viennent, ce festival plus que jamais va continuer. Ah oui, j'espère bien. Et la commune fera tout pour qu'il continue, puisque ça a fait partie de la renommée de la Bresse là, depuis maintenant une trentaine d'années. Et quand on voit le monde qui vient régulièrement, Donc il faut continuer, on compte sur le comité du festival et puis les services municipaux pour continuer. Alors justement Hubert, le comité du festival, c'est parce qu'aussi il faut beaucoup de bénévoles pour organiser, mais on sait de source sûre que les Gérovois, faut pas trop le dire ici, mais et les Bressots sont très très forts dans le domaine justement de, pour aider et pour des bénévoles. Oui, on a une vie associative très remplie à la Bresse. Donc pour ce festival, il y a, Alexandrine pouvait le dire mieux que moi, mais il y a au moins une soixantaine de bénévoles qui donc pour l'accueil, pour la buvette, pour installer les sculpteurs et puis les loger également, puisque les sculpteurs logent chez l'habitant. Donc tout le monde s'y met. Oui, parce que Jérôme, c'est vraiment, c'est pas facile d'organiser, même dans tout le département, bien qu'il y ait des manifestations qui, quelquefois, disparaissent parce qu'elles manquent de bénévoles, c'est pas facile. Effectivement, c'est jamais évident et il faut effectivement remercier tous ceux qui s'investissent bénévolement dans toutes ces manifestations, parce que toutes les manifestations culturelles et sportives que l'on organise sur notre département sont basées en grande partie sur des bénévoles. Donc il faut effectivement, il y a généralement des équipes techniques, on en a une pour le festival. Et je regarde du coin de l'œil le directeur de service communication Xavier Battistella et sa charmante équipe qui. Il ne rate pas, effectivement. Voilà, mais présent. Après, il faut mettre en musique et j'aimerais effectivement remercier la présidente, mais aussi tous ceux qui se sont succédés pendant les 27 ans de ce festival, parce que pour durer, il faut qu'il y ait une passation, il y a des gens qui arrêtent, il y a des gens qui reprennent, Donc il faut absolument valoriser ces bénévoles, les respecter, les associer et puis pouvoir après. Aussi, mais je crois que c'est ce qui se passe aussi au festival, les remercier autour de moments conviviaux, parce que sans bénévoles on ne ferait pas grand chose, sans bénévoles on n'arriverait pas à accueillir tous les sculpteurs que l'on accueille ici, et c'est aussi important et c'est aussi une richesse de notre territoire d'avoir des bénévoles qui se mobilisent pour organiser et pour faire rayonner notre département. Sylvie, il y a beaucoup d'événements comme cela dans le Grand Est. Écoutez, oui, là, je n'ai pas le nombre exact, mais oui, il y en a beaucoup. Mais pour rebondir, moi, je voudrais quand même aussi saluer les élus. Parce que c'est vrai que derrière les bénévoles, derrière toute cette manifestation, il y a des décisions à prendre, et ce sont les élus. Et c'est vrai que quelquefois, on dit nos élus, on critique beaucoup les élus, mais quand on arrive à des manifestations comme celle-ci, il y a des bénévoles, mais il y a aussi des élus qui, à un moment donné, soutiennent, créent ces projets, et je crois que c'est tout aussi important. Nous allons arriver à la fin de cette deuxième émission que vous retrouverez sur les radios locales des Vosges et sur touteslesvosges.fr en images. Le petit mot de la fin, Hubert. Oui, eh bien, je vous invite à la Bresse encore jusqu'à dimanche soir, où là, dimanche, il y aura l'exposition de toutes les sculptures, aussi bien donc sur bois, sur pierre, bois et métal, et puis paille aussi, une nouveauté. Parce que tour sur paille à l'entrée de la halle. Et le mot, une conclusion Bonne conclusion, restez dans les Vosges, voyez la vie en Vosges, parce que c'est le slogan du département et il faut le dire et le redire. Et effectivement, comme ça a été dit, il faut qu'on travaille de concert entre les différentes collectivités, et c'est ce qu'on fait dans notre département, avec la région, avec les élus de la région Grand Est, parce que c'est collectivement que l'on avance. Ceux qui pensent que même si on est plus grand, on est plus fort, on peut avancer tout seul, ce n'est pas une bonne idée. Et grâce au travail collectif, on peut effectivement encore développer ce type de festival et encore créer d'autres événements culturels au cœur de nos territoires, ici dans les Vosges. Jérôme, passez maître en publicité, Sylvie. Eh bien, écoutez, pour l'élu de la plaine que je suis, c'est toujours un vrai bonheur d'être ici à la Bresse. Du reste, après avoir inauguré le sentier du textile, je l'ai fait. Je peux vous faire le compte rendu. Donc, c'est vraiment pour moi toujours un grand bonheur de voir toutes ces énergies et de voir ce territoire vraiment s'offrir aux touristes et à la population. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'être venus. Ben voilà, je crois que nous allons rester quelques petits instants. J'ai 10 questions à la con à poser à Sylvie, mais je ne pose en principe que des questions comme ça, donc ça ne va pas me changer de l'ordinaire, donc c'est plus facile. Sylvie Daguerre. Alors, d'abord, Sylvie Daguerre. Daguerre. Ah ouais, mais justement, ça ne m'arrange pas. Plutôt 39-45 ou celle de 100 ans? Guerre de 70. D'accord. Lien de parenté avec Chantal Goya? Heureuse. Bon, parce que normalement, elle s'appelait, la De Guerre. Ah, ben, perdu. Alors, pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Alors, vous aviez voté pour qui, là? C'est pour la région, à l'époque, Grand Est, Alcali, Austrasie. Grand Est. D'accord, bravo. Votre pays préféré, hors la France? L'Autriche. Bravo. Animal préféré? Un chien. Bien. Que mange-t-on ce soir? Je ne sais pas, chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Alors, c'est salade... c'est le menu est affiché là-bas, hein, 13 euros. Alors, en sculpture, plutôt bois, pierre, plâtre? Non, plutôt acier. D'accord, bravo, ouais. Johnny, Maître Gims ou Léo Ferré? Aucun des trois. Parfait, merci Sylvie. Eh bien, je laisse la parole au troisième débat. Voilà, la place est chaude, donc suite du brouillon de sculpture sur le thème de l'éducation en présent, troisième partie. Et j'accueille nos trois invités, Mario Zanqueta qui est conseiller pédagogique en art plastique. On reçoit également Kylian Prolac, directeur délégué en formation au lycée professionnel Camille Claudel. Et puis Xavier Battistella, donc chargé de communication en mairie, puis évidemment directeur de la maison de la Bresse, pour évoquer le parcours, l'éducation artistique auprès des jeunes. Et on va donner la parole d'abord à Mario Zanqueta. Vous êtes conseiller pédagogique en art plastique. En quoi consiste votre travail? Alors, mon travail consiste à aider mes collègues enseignants sur le terrain à la mise en application des prescriptions ministérielles, c'est-à-dire nos instructions officielles qui sont obligatoires, et les arts en font partie. Donc les aider dans la mise en application de ces choses-là. Depuis quand les arts font partie du parcours pédagogique? Il y a longtemps, hein. Oui, c'est pas nouveau ça, hein. C'est pas nouveau. Oui. Mais depuis 2015, il y a un parcours maintenant bien défini qui existe. Alors depuis 2015, c'est vrai, il y a une petite spécificité pour chaque élève. C'est le parcours d'éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire que tout au long de son cursus scolaire, que ce soit primaire, que ce soit secondaire, l'élève doit jalonner son parcours de rencontres avec l'art, quelles que soient les formes d'art. C'est pas simplement les arts plastiques, ça peut être le cinéma, ça peut être l'architecture, ça peut être la musique, bien entendu, hein. Et donc, ces parcours-là sont basés sur trois piliers qui sont les rencontres, qui sont la pratique et les connaissances. Alors, ça se passe dès la maternelle. Là aussi, les professeurs sont formés à ça ou alors il y a un intervenant à chaque fois qui vient pour la pratique? Les enseignants sont formés par les conseillers pédagogiques, dont je fais partie, bien entendu. Donc je les aide dans cette mise en application sous forme de stage, sous forme d'animation pédagogique qui sont programmées pour telle ou telle année. Et puis aussi, je collabore avec eux dans l'installation d'ateliers de pratique artistique. Alors, il y a des rencontres, des visites, par exemple à la maison de la Bresse. Je crois que c'est quelque chose que vous développez, Xavier, les rencontres avec les enfants, avec des stages, des conférences. Le micro, voilà. En fait, je viens du milieu. Oula. Hop. Je viens aussi du milieu de l'éducation nationale, donc c'est naturellement que dans ce qu'on propose à la maison de la Bresse, on inclut les enfants. Et c'est vrai que depuis quelques années maintenant, les écoles ont une place toute particulière. On propose à des artistes de venir exposer et de proposer des ateliers pour les enfants, donc au niveau des classes. Et aussi quand ils ne sont pas en classe. Mais c'est vrai que pour les classes, par exemple, cette année, je crois qu'on a eu une douzaine de classes qui ont pu venir pendant l'année scolaire faire des ateliers avec des artistes professionnels. Donc. Il y a d'ailleurs leurs créations qui sont exposées en ce moment à la Maison de la Bresse. Hein. Alors, celles qui sont exposées en ce moment sont celles des ateliers créa-jeunes liés au festival, mais il y en a également tout au long de l'année qui peuvent être proposées. Alors on va parler avec Kylian Prolac de la formation, hein, puisque vous êtes directeur délégué en formation au lycée professionnel Camille Claudel, le lycée qui est chaque année représenté au festival. Hein. Vous êtes un habitué aussi du festival. Oh, s'il te plaît. Oh. Oui. Voilà, c'est bon, ça fonctionne. Il y a un peu de l'arsène, donc le lycée Camille Claudel qui envoie chaque année des élèves au festival. Voilà, chaque année on a un ou deux jeunes qui participent en duo au festival de sculpture. Donc cette année on a deux jeunes, Lucas et Clément, qui participent. Ce sont des jeunes qui sont en sculpture, en formation, en mention complémentaire en sculpture, qui ont une formation de taille de pierre à la base, avec un bac pro, et qui se destinent à travailler dans la pierre, soit en entreprise, soit après, dans la perspective de travailler à leur compte. On a évoqué avec Mario Zanqueta le parcours artistique. C'est vrai qu'il y a un lien fort entre les arts appliqués et l'enseignement professionnel au lycée. Voilà, exactement. Il faut savoir que dans toutes les formations professionnelles, on a des arts appliqués, donc des heures d'enseignement en arts appliqués qui vont jusqu'à 4 heures en brevet des métiers d'art. Les jeunes ici en démonstration sont en sculpture, donc eux ont jusqu'à 6 heures d'art appliqué par semaine. C'est impératif de savoir pourquoi on va réaliser une pièce. C'est pas le tout de faire une pièce qui est belle, mais il faut savoir pourquoi, c'est-à-dire d'où elle vient cette pièce, quelle a été la recherche. Il y a un gros travail avec l'histoire de l'art pour avoir des références, et donc avec les arts appliqués pour être capable de décrire les volumes, les formes, etc. Donc tout ça se travaille. Combien de temps dure une formation, et puis qu'est-ce qu'on apprend dans la formation? Dans une formation en sculpture, puisque là c'est le thème, on va apprendre au niveau de l'art appliqué à tout ce qui est anatomie, par exemple, anatomie avec l'ostéologie, la myologie, l'analyse des muscles et des os, par exemple. Donc tout ça, c'est sur le corps humain ou le corps animal, puisque c'est tout ce qu'on va représenter. Après, il y a tout le travail de forme, tout le travail également d'histoire de l'art qui est très important. Et les débouchés suite à la formation, alors il y en a beaucoup qui deviennent artistes parmi les élèves. Alors, on a des jeunes qui se mettent à leur compte tout de suite après la formation, c'est rare, mais ça arrive. En principe, ils vont travailler en entreprise avant de créer leur propre affaire. Et ce qu'il faut souligner aussi, c'est la polyvalence des formations. Tout à fait. Au lycée, donc, on parle de la filière pierre. La filière pierre, aujourd'hui, on voit la sculpture. En principe, on parle souvent de la taille de pierre, mais on a toutes les composantes de cette filière, c'est-à-dire on a aussi formation en marbrerie du bâtiment de la décoration, en gravure sur pierre avec le brevet des métiers d'art, et dans le monument historique avec un brevet professionnel. Alors je vais redonner la parole à Mario Zanqueta pour parler d'éducation à l'école. Vous avez du recul, puisque ça fait déjà combien d'années que vous êtes conseiller pédagogique? C'est votre dernière année, je crois, d'ailleurs. Un certain nombre d'années, c'est vrai. Alors avec le recul, est-ce que l'art est mieux abordé à l'école qu'il y a 20 ans? Non, je ne veux pas. Oui. J'ai pas de point de comparaison. Il y a plus de formes d'art. Non, ça a toujours été. On a toujours fait des arts plastiques à l'école. C'est vrai que depuis quelques années, on fait aussi une approche dans le domaine de l'histoire des arts, hein, comme vous, bien entendu. Mais ça s'est toujours pratiqué, hein, bien entendu. C'est un vecteur d'épanouissement, un vecteur de créativité. C'est, et comme l'a dit aussi l'artiste tout à l'heure. Les enfants ont un regard particulier aussi. Exactement, bien sûr, oui, on crée des passerelles. Non, c'est pas tout nouveau, non. Ce qui est un petit peu plus d'actualité, c'est ce parcours d'éducation artistique et culturelle, mais autrement, je peux pas dire qu'au début de ma carrière, il y ait eu plus ou moins de pratiques d'art plastique dans les classes, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est le plus difficile à faire percevoir aux enfants, alors? Le plus difficile, c'est pas difficile, hein, parce que c'est une discipline qui est vraiment prisée par les élèves, et donc ils se donnent à fond. Hein, y a pas de, moi, j'ai jamais rencontré de difficulté à aborder les arts. C'est un peu une récréation pour eux, peut-être. Non, c'est pas, on peut pas dire que ce soit une récréation. On a des objectifs, hein, oui. Y a des enjeux, bien entendu, il y a des objectifs. Oui, mais c'est une autre matière, c'est différent des matières habituelles. Bien sûr, oui, c'est moins académique, c'est moins, bien entendu, mais c'est plaisant, bien entendu, c'est ludique. Alors on s'efforce d'apporter une certaine dose. Oui, parce que c'est sûr que pour un maternel, pour quelqu'un, un enfant qui est en maternelle, il ne voit pas ça de la même façon qu'un collégien. Oui, bien sûr. Mais quel que soit le niveau, on essaye, en tant qu'enseignant, d'apporter, de donner du sens à l'action qu'on fait. Et, alors, en fonction de l'âge des élèves, voilà. Il y a la pratique, puis il y a l'exposition derrière, bien souvent. Voilà. C'est ça, oui, c'est important pour que les familles se rendent compte aussi du travail des enfants. Bien sûr, oui, c'est très important. Et ce qui est important aussi, c'est la confrontation. Hein. Je disais tout à l'heure, les trois piliers, la rencontre avec les artistes, c'est capital, bien entendu. C'est ça qui va donner essence à leur pratique plastique. Outre l'acquisition de connaissances sur des techniques et autre chose, à travers de leurs pratiques. Et donc un festival Camille Claudel est aussi important pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'écoles du secteur qui viennent ici, qui pratiquent, exactement, qui viennent avec des outils. Oui, que ce soit les artistes qui travaillent sur le festival ou les artistes qui travaillent dans le cadre de Créa Jeune, c'est très important, bien entendu. Alors Xavier, on peut revenir aussi sur les actions que vous mettez en œuvre avec la Maison de la Bresse. Voilà, c'est vrai que la fréquentation des artistes est importante, mais aussi la fréquentation des lieux, muséaux, donc que ce soit les salles d'exposition, que ce soit comme ici le festival qui est un lieu d'exposition dans toute une ville carrément. Voilà, donc ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir cette fréquentation dès le plus jeune âge et que même à l'âge adulte, on puisse continuer à être éduqué, parce que l'éducation à l'art, elle se poursuit tout au long de la vie. Certains n'ont pas eu la chance d'en avoir beaucoup, même si ça fait partie des programmes, on le sait bien depuis longtemps, mais bon. On n'a pas tous été égaux non plus devant la formation à l'art, et donc c'est bien de pouvoir continuer tout au long de sa vie. Et même en fond de vallée, c'est-à-dire que nous, on peut aussi avoir accès à l'art Exactement. Fond de notre vallée. Et ça, c'est quelque chose pour lequel on se bat vraiment à la Bresse, et on peut dire merci bien sûr à Alexandrine Ducré qui porte aussi ce projet, ainsi qu'à à l'équipe qui a souhaité mettre la Maison de la Bresse en place à l'époque. Ce qui est important, c'est de se dire que oui, bien qu'éloigné des lieux principaux de culture, on peut quand même faire des choses, et je pense que sur ce qu'on propose à la Maison de la Bresse, avec le succès de nos expositions, puisqu'on tourne à plus ou moins 20 000 visiteurs par an, on a la preuve qu'il y a une attente aussi de ce côté-là. Donc ce qu'on souhaite faire aussi, et là je veux vraiment remercier aussi l'équipe qui a travaillé notamment cette année avec Pauline, qui est en service civique, qui est en train de terminer son service civique aujourd'hui, qui aura fait un gros travail aussi pour permettre d'avoir des ateliers pendant les vacances pour que les enfants puissent s'initier à l'art. Au travers de notre outil qui est la Maison de la Bresse, et évidemment Camille qui travaille depuis le mois de juillet dernier pour aider aussi à ce travail sur les enfants. Donc voilà, un gros travail qui est effectué pour que tous les enfants qui franchissent la porte de ce lieu d'exposition qui est la Maison de la Bresse puissent vraiment y prendre du plaisir et avoir envie d'y retourner. Et puis c'est aussi un peu la semaine de l'art à la Bresse, mais pas que, aussi dans la vallée, puisque à Cornimont se tient jusqu'à dimanche la Biennale artistique auquel vous participez, Mario, puisque vous êtes peintre, hein, vous avez exposé notamment l'an dernier à Épinal, mais là aussi vous exposez des tableaux à Cornimont. Oui. Donc on peut prolonger le parcours jusqu'à Cornimont. Ah oui, oui, bien sûr. Alors en conclusion, un mot de conclusion, puisqu'il nous reste une minute. En conclusion, moi je... Puisque vous avez dit que je terminais ma carrière, et c'est vrai, ce sera certainement avec beaucoup de satisfaction, bien sûr. Peut-être... souhaiter que ça perdure, que le festival Créa Jeune, dans le cadre du festival Camille Claudel, perdure, et puis que les collègues s'engagent toujours autant pour inscrire leur classe à venir participer. Merci à vous, Mario. Une petite conclusion également, Kylian, pour le lycée. Pour conclure, tout simplement remercier la mairie de la Bresse pour son accueil et puis pour toute l'organisation qui va autour de ce festival. Et puis, Xavier, merci aussi Xavier de nous avoir invités dans les radios sur le festival. Oui, merci à vous aussi d'avoir répondu à cette invitation. Et puis, je vous invite simplement à continuer votre parcours tout au long de l'année à la Maison de la Bresse, notamment avec cette magnifique exposition de Dominique Grainsinger qui va nous succéder sur ce plateau. Et Dominique Grainsinger, qui est notre invité d'honneur, qui a vraiment une exposition fantastique à aller découvrir à la Maison de la Bresse jusqu'au 1er juillet. Oui, alors à suivre un nouveau plateau avec trois autres invités au micro de Lou de Radio Guémozo. Je remercie également Marcus qui est à la technique, et Marcus de Radio Guémozo. Puis on va maintenant laisser Camille qui va nous proposer une petite chronique humoristique, donc pour faire la transition. Merci à vous. Hola, buongiorno, allô, bravo, hola, dag, bonjour. C'est un festival international, non, hein, je crois. Du coup, je me suis un petit peu rencardée sur la sculpture et en fait, c'est assez facile. Escultura, scultura. Sculpture, scultura. Bild o Kunst. Bref, la sculpture, c'est universel. Si seulement c'était aussi facile pour le reste. Parce que moi, je suis partie à l'étranger et j'ai galéré. Vraiment. Hein. Alors, si j'avais appris à m'exprimer au travers de la sculpture, je vois la scène comme ça. Bonjour, scultour. Hola, scultour. Et on m'aurait donné ciseaux à bois et tout le bataquès. Et j'aurais pu sculpter des choses et j'aurais pu me faire comprendre. Malheureusement, c'est pas mon truc. Alors, j'aurais peut-être pu aller aux ateliers Créa-Jeunes quand j'étais gamine, mais ils n'existaient pas à l'époque. On s'en foutait un peu de l'éducation artistique hein, quand j'étais gamine. C'était plutôt école du lundi au samedi avec Katé le mercredi matin. Bon, il y avait aussi les ateliers sculpture de la MLC. Et ben non, j'ai préféré aller au cours de Modern Jazz avec Fabienne Fugé. Big up Fabienne. Alors bref, vous aurez compris, la sculpture, c'est pas mon fort. Les langues, c'est pas mon fort non plus. Moi, je préfère chanter faux. Donc du coup, je vais vous quitter sur quelques notes de Reggiani, sa chanson Camille. Alors attention, Camille, la vie, c'est le seul vrai mélo. Ça part d'un grand éclat de pleurs, ça rit avec des trémolos. Camille, la vie, c'est un superbe enfer, pardon. Et Dieu est un curieux sculpteur qui tue les statues qu'il préfère. Adios, ciao, bye bye. Camille, pour cette chronique plutôt rigolote, vous êtes pour la quatrième et dernière partie de Radio Bouillon de Sculpture. Et cette dernière partie est vouée à l'art et plus précisément à la place de l'art et de la sculpture dans l'art contemporain. Je suis en présence de Gwena Elstam. Donc, vous êtes artiste et vous faites partie de l'association Créa Jeunes. J'ai aussi en face de moi Dominique Grainsinger, notre invitée d'honneur qui est exposée un petit peu plus haut dans la Maison de la Bresse. Et enfin Anne-Claire Jude, vous qui êtes sculptrice et qui participez au concours sous le thème Regard, le concours de cette année. Et vous êtes là tous les trois avec moi pour parler un petit peu de la place de l'art dans la société et aussi de la vision de l'art. Alors avant toute chose, ça c'est quelque chose qui... comment dire, c'est une question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que l'art, vu que vous avez tous des parcours très différents, vous avez fait plein de choses, et je pense que ce serait peut-être important de confronter ces différentes visions. Alors Gwenaëlle, avant toute chose, hein, vous avez été longtemps au Canada. Quelle est un petit peu la vision de l'art que vous avez appris au Canada? Alors c'est vrai que j'ai, à la suite de mes études, entre autres à Strasbourg, et de différentes expositions, résidences au travers de différents pays dans le monde, résidé plusieurs années au Canada, où le système est très différent du nôtre en France, puisque beaucoup de centres d'art sont autogérés par des artistes eux-mêmes, ce qui fait que l'attribution de bourses ou de places de résidence sont décidées par des artistes eux-mêmes qui ont eu l'occasion de travailler dans des résidences. Donc évidemment, ça donne un regard un petit peu différent par rapport à notre situation plus institutionnelle en France. Donc ça, c'est pour vous. Je vais m'adresser ensuite à notre invité d'honneur, Dominique Grainsinger. Vous, vous êtes invité d'honneur, on n'a pas besoin de dire pourquoi. Vous faites de très belles femmes en terre. Et vous, quelle est votre conception de l'art et surtout de la sculpture dans l'art contemporain? C'est une grande question, ça. Je pense que c'est une manière de s'exprimer, et pour moi la sculpture est un langage. C'est un langage d'émotion, c'est un langage de réflexion, c'est un langage où on peut s'évader, on peut s'émerveiller et on passe des émotions. Et je pense que c'est multinational. Le ressenti que les Français ont, les Américains peuvent avoir exactement le même ressenti. Et c'est quand nous exposons à l'étranger qu'on se rend compte que l'art est universel. Et on est vraiment on échange des émotions. Oui, l'art est universel et aussi une discipline peut en entraîner une autre. C'est pour ça que je viens à Anne-Claire. Vous avez fait aussi des décors de théâtre, si j'ai bien compris. Et est-ce que ça a aussi, d'une certaine manière, sculpté votre vision de l'art ? Oui, mais en fait, au départ, j'ai fait l'école des beaux-arts. Et parallèlement, j'ai travaillé pour des festivals, pour des compagnies, pour des décors, en technique, enfin, plein de choses différentes. Et je faisais parallèlement un travail de sculpture et de peinture, et parallèlement plutôt du travail pour des compagnies. Et puis petit à petit, les deux se sont rejoints. Et en fait, la sculpture peut très bien être aussi bien dans les spectacles ou se suffire à elle-même. Dernièrement, j'ai fait des marionnettes dans les mêmes systèmes que mes sculptures, et du coup, ça peut vraiment faire qu'un. Oui, et d'ailleurs, hein, comme c'est ce qui vous lie tous les trois, vous êtes tous les trois des artistes, donc vous créez quelque chose. Et c'est un petit peu la question que je me pose, de quelle manière, qu'est-ce qui vous fait créer ? On va peut-être commencer par Gwenaëlle. Alors, c'est sûr qu'au départ... Je ne sais pas si la question se pose ou alors si elle nous tombe dessus, mais évidemment, on a envie de faire des choses, donc on fait pas mal d'expériences. Peut-être qu'on essaye de transmettre des émotions, bien sûr, on essaye de transmettre une pensée. Et puis, en tout cas pour ma part, c'est aussi prendre part à des projets de société. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, c'est de monter des projets qui vont toucher différents publics, que ce soit des scolaires, que ce soit un lieu en particulier, et puis peut-être d'y apporter un regard particulier, un regard nouveau, en tout cas un regard qui va créer du lien. C'est-à-dire qu'en effet, comme on le disait tout à l'heure, le langage est universel, le langage artistique est universel, on peut très bien dialoguer de part et d'autre. Et moi, j'ai plutôt l'impression que ça m'est tombé dessus. C'était comme une évidence, finalement, et puis prendre goût aussi à la diversité culturelle. C'est vrai que quand on est en résidence à l'étranger et qu'on rencontre des artistes du monde entier, on partage des cultures différentes et c'est cet enrichissement qui nous importe. C'est-à-dire que moi, la sculpture en tant que telle, purement formaliste, comme l'art purement formaliste, ne m'intéresse peu. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe derrière, c'est-à-dire les chances qu'on peut avoir avec d'autres gens ou en tout cas la question qui va être posée, peut-être même être remise à la société, tout simplement. En effet, c'est une vision très intéressante. Mais vous, Dominique, est-ce que vous partagez aussi ce but dans la création, ou vous avez un but tout autre avec, je le rappelle, vos statues de femmes en terre ou vos... Je suis tout à fait d'accord aussi. Ce qui est très intéressant, c'est de mener une idée que nous avons. Cette idée peut venir d'une musique, ça peut venir d'un état d'esprit, ça peut venir de l'actualité aussi. On le met à maturité dans notre tête, dans notre corps, et on rentre dans notre atelier. On est seul, bien souvent, ou toi, à plusieurs aussi. Et c'est vrai que c'est très bien aussi de travailler à plusieurs. Et on commence à faire sortir ce projet. Et là, c'est un peu magique, parce que ce qui était dans notre tête, on commence à le sentir, le toucher. Et ce qui est l'aboutissement de notre travail, c'est les yeux des personnes qui vont les regarder et quoi, se poser sur nos sculptures. Et je dirais aussi à la fin, c'est quand il y a l'acte d'achat aussi qui est très intéressant, parce qu'en ce moment, ce n'est pas évident. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un peu dur de vendre des sculptures en ce moment. Et nous travaillons beaucoup et c'est la récompense. Je pense. Pour ma part, justement, c'est vrai que moi, je vais rapidement essayer de me libérer de la question des achats en passant par la question des projets, ce qui permet de mettre en place son travail, de pouvoir le présenter, de se donner les moyens, donc les moyens qui ne sont pas forcément exclusivement financiers, mais qui sont les moyens des partenariats, de façon justement à mettre à distance cette question-là et de monter le projet, aller chercher les moyens pour le mettre en œuvre et finalement sans forcément être tributaire de ce côté financier et de le mettre de côté. Craignant aussi pour nous de toute façon, hein, parce que déjà c'est énormément difficile de créer quelque chose et de mettre un prix et de le vendre. Oui, c'est vrai que toi, tu as trouvé la bonne solution comme ça. C'est effectivement une difficulté de la vie d'artiste, hein, vu qu'elle est pleine d'embûches, mais on n'a pas encore laissé la parole à Anne-Claire. Vous ne nous avez pas encore dit ce qui vous mène en fait à créer vos sculptures. Moi, je rejoins l'idée de transmission des émotions et de communication. Et en fait, la sculpture, quand on n'est pas forcément à l'aise à l'oral ou quoi que ce soit, ça peut vraiment permettre de s'exprimer. Et aussi, pourquoi pas, d'ouvrir des questionnements qui nous tiennent à cœur, soit par rapport à la politique, à la question de société, auxquelles on aimerait prendre part ou répondre ou faire quelque chose pour faire changer des fois des choses. Et on ne sait pas forcément comment agir, et ça peut être une sculpture ou une peinture peut être l'ouverture de... Enfin, poser une question pour amener une réflexion sans forcément amener une réponse, parce que enfin, moi, j'estime pas pouvoir amener une réponse à certaines questions, mais au moins ouvrir un questionnement à celui qui regarde et qui peut se dire « Ah ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à questionner là-dedans. » Enfin, ça peut vraiment être l'étincelle, les déclencheurs de quelque chose. Donc, dans tous les cas, ce qui vous lie tous les trois, c'est vraiment l'ouverture à l'autre et le questionnement. Mais en parlant d'ouverture, hein, l'art n'a peut-être en soi pas de limite. Mais je me demande en fait si vous pensez que le festival qu'il y a en ce moment même pose certaines limites peut-être à la création de la sculpture contemporaine. J'ai posé une colle. Hein. Limite, non, bien sûr que non. C'est toujours intéressant de pouvoir développer un travail artistique par le biais des échanges qui sont les échanges qu'on retrouve ici, puisque on retrouve des gens de partout. Maintenant, la question des limites, je pense que plutôt que de s'attacher à la question des limites, moi je pense qu'il faut plutôt s'intéresser au développement autour de festivals. Et c'est vrai que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est l'ouverture à des pratiques multiples au niveau de la matériologie. Et je pense que ce serait intéressant, évidemment, de développer dans ce sens, c'est-à-dire ne pas s'en tenir à de la sculpture monolithique, mais pouvoir travailler sur la question de l'assemblage, peut-être même de l'installation. Bref, finalement, de fil en aiguille, arriver à ce qui nous concerne, je pense, au niveau de la contemporanéité. Je suis tout à fait d'accord. C'est d'ouvrir le festival à d'autres matières et pour avoir encore un public beaucoup plus élargi. Et justement, par rapport aux limites, ça peut aussi casser cette limite qu'il peut y avoir entre le public et les créations, qui peuvent être, surtout quand c'est dans des galeries où le public ne va pas forcément pas oser ou pour n'importe quelle raison. Et là, du coup, c'est un peu comme si on amenait les sculptures à lui, en voyant le processus, ça peut amener des personnes qui ne seraient pas forcément venues à la sculpture, comme par exemple, ça peut être le cas entre le théâtre de plus classique et le théâtre de rue qui sort de lieu officiel. Et dernière question, comme Anne-Claire, vous avez parlé d'idées qui amènent aux uns aux autres, en fait, vu que parfois c'est vraiment simplement s'inspirer les uns les autres. Est-ce qu'il y a, pour les dernières très petites minutes qui nous restent, un artiste en particulier qui vous inspire chacun? Alors ça va être très compliqué, parce que je pense qu'on est inspiré depuis l'Antiquité, surtout sur la question sculpturale. C'est-à-dire que même moi qui ai une pratique multiple, que ce soit la vidéo, l'installation, la photographie, l'image, on est toujours captivé par les sculptures de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui dans divers matériaux, ça c'est certain. Et vous, Dominique, un artiste en particulier ? Oui, moi c'est une femme, Lydie Arix, qui travaille la peinture et qui travaille la sculpture, très contemporain. Quand je commence un travail, je regarde un petit peu ses sculptures et je me dis « Waouh, elle peut aller très loin, donc je peux y aller ». Et ça c'est... Je voulais aussi remercier la Bresse, parce que comme tu l'as dit, on est en contact avec le public. Et je trouve que c'est vraiment merveilleux de se rencontrer, de rencontrer notre public, de nous rencontrer aussi, parce que c'est une fête de la sculpture, c'est très convivial, je trouve que c'est vraiment très important. On passe une semaine qui est riche, donc merci à la Bresse. Oui, en effet, merci beaucoup à la Bresse. Et pour finir, Anne-Claire, un artiste qui vous inspire en particulier ? Alors, il y en a pas mal, mais dernièrement, j'ai revu des sculptures de Giacometti que j'avais pas forcément déjà vu celle-là. Et ce côté équilibre et déséquilibre m'a encore plus sauté aux yeux que les fois auparavant. Donc, je pourrais citer Giacometti. Eh bien, je vous remercie beaucoup tous les trois. Je le rappelle, hein, Gwenna Elstam, donc artiste chez Créa Jeune, Dominique Grensinger, notre invité d'honneur qui est exposé jusqu'au mois de juillet, si je ne me trompe pas, à la Maison de la Bresse, et enfin Anne-Claire Joude qui participe au concours Un Regard et dont on peut encore voir la sculpture qui est juste à côté. Merci beaucoup et merci beaucoup à la Ville de la Bresse pour le festival. C'était Radio Bouillon de Sculpture. Hein. Je vous remercie à tous pour votre attention et passez une très belle journée et une belle fin de festival. Merci.